dire une chanson qui est pleine de mensonges. Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. S'il y a un mot de vérité, je sortirai de ronde. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. S'il y a un mot de vérité, je sortirai de ronde. S'il y a un mot de vérité, je sortirai de ronde. Ce matin, je me suis levée quand le soleil se couche. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Ce matin, je me suis levée quand le soleil se couche. Ce matin, je me suis levée quand le soleil se couche. Pour aller labourer mon champ qui n'avait point de terre. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Pour aller labourer mon champ qui n'avait point de terre. Pour aller labourer mon champ qui n'avait point de terre. En mon chemin, j'ai rencontré un poirier plein de prunes. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. En mon chemin, j'ai rencontré un poirier plein de prunes. En mon chemin, j'ai rencontré un poirier plein de prunes. Avec ma canne, j'ai secoué, il tomba des groseilles. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Avec ma canne, j'ai secoué, il tomba des groseilles. Avec ma canne, j'ai secoué, il tomba des groseilles. Il m'en tomba une sur le nez qui me cassa l'oreille. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Il m'en tomba une sur le nez qui me cassa l'oreille. Il m'en tomba une sur le nez qui me cassa l'oreille. Et au travers de mon soulier, l'on voyait ma cervelle. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Et au travers de mon soulier, l'on voyait ma cervelle. Et au travers de mon soulier, l'on voyait ma cervelle. Le médecin qui me pansa était sonneur de cloche. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Le médecin qui me pansa était sonneur de cloche. Le médecin qui me pansa était sonneur de cloche. Et les mouches qui étaient au plancher qui en crevaient de rire. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Et les mouches qui étaient au plancher qui en crevaient de rire. Et les mouches qui étaient au plancher qui en crevaient de rire. Et les cochons bien retroussés qui coulaient la lessive. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Et les cochons bien retroussés qui coulaient la lessive. Et les cochons bien retroussés qui coulaient la lessive. Ceux-là qui écoutent ma chanson, ce sont des imbéciles. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Ceux-là qui écoutent ma chanson, ce sont des imbéciles. Ceux-là qui écoutent ma chanson, ce sont des imbéciles. Et celui qui vous l'a chanté, c'est une brave fille. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron, voilà qui est bon. Fan, fan, mirette, fan, mirette, fan, miron.